Doctrine d'Averroès. Théorie du ciel et des intelligences. L'extrême simplicité avec laquelle nous concevons le monde invisible nous a mis dans l'impossibilité de nous faire une idée du système beaucoup plus compliqué que l'on trouve dans les religions et dans les philosophies de l'Antiquité. Éon, Génie, Séphiroth, Démiurge, Métatron, etc. Tout a disparu, depuis que l'impitoyable Occam a mis les dieux en fuite par son axiome scolastique, il ne faut pas multiplier les êtres sans raison. La philosophie arabe est loin d'être aussi sobre, une nombreuse hiérarchie occupe tout l'intervalle entre Dieu et l'homme. Le gouvernement de l'univers, dit Ibn Rushd, ressemble au gouvernement d'une cité, où tout part d'un même centre, mais où tout n'est pas l'œuvre immédiate du souverain. La profonde conception d'Aristote, ce dieu du 12e livre de la métaphysique, immobile, séparé, centre de l'univers, qui dirige et meut le monde, sans le voir, par l'attraction du bien et du beau, ce newtonisme métaphysique, si simple, ne satisfait pas les Arabes. Jamais Dieu n'a été aussi déterminé, aussi isolé du monde que celui d'Aristote. Si l'on applique le nom de panthéisme aux doctrines qui craignent de limiter Dieu, aucune doctrine n'a été plus que la sienne opposée au panthéisme. Cette théodicée pouvait convenir à une école naturaliste comme l'école péripatéticienne, pour simplifier son objet et écarter tout ce qui ressemble à une hypothèse, le naturaliste voudrait faire à Dieu, une fois pour toutes, sa part bien arrêtée, et le reléguer le plus loin possible du champ de l'expérience. L'école arabe ne put se plier à une conception aussi simple. Il fallut créer une sorte de ministre à ce roi invisible pour le mettre en contact avec l'univers, on fut conduit de la sorte à quelque chose d'analogue au grand architecte de Philon, image et manifestation des puissances cachées dans les profondeurs de l'existence infinie. Le passif n'arrive jamais à l'acte que par le fait d'une puissance active, et le contingent ne saurait s'expliquer par une série de causes à l'infini. Sans doute le cercle des causes ne saurait s'arrêter à tel moment donné. La pluie sort du nuage, le nuage de la vapeur de la pluie, la plante sort de la plante, l'homme sort de l'homme par la corruption de l'être générateur, sans qu'il soit permis dans cette chaîne continue de prendre un moment plutôt qu'un autre pour point de départ. Où donc chercher la cause du multiple? De l'un ne peut sortir que l'un. Un seul être peut être le produit immédiat de Dieu et en rapport direct avec lui. Cet être, c'est la première intelligence, le premier moteur des étoiles fixes, sorte de démiurge dont l'origine ne doit pas être cherchée ailleurs que dans le chapitre 7 du 12e livre de la métaphysique, mal entendu et combiné avec des données alexandrines, ou peut-être, par une sorte de compromis dont les sectes antagonistes offrent de nombreux exemples, avec la doctrine des hypostases et du verbe, que l'on combattait d'ailleurs si énergiquement. Cette intelligence première, ce premier moteur, qui est pour Aristote Dieu lui-même, n'est pour les Arabes que le premier agent de l'univers, à qui ils appliquent les magnifiques expressions par lesquelles Aristote a cherché à exprimer le mode d'action de l'intelligence divine. Le Coran lui-même fournit des arguments à cette théorie, car il est écrit « La première chose créée par Dieu est l'intelligence. » Platon, suivant Ibn Rushd, n'a pas voulu exprimer autre chose quand il dit en son style figuré que Dieu créa les anges le matin, et qu'après leur avoir laissé le soin de créer tout le reste, il se reposa. Galien a entrevu la même vérité, Quand il parle de cette forme informante, à laquelle appartient véritablement le nom de créateur. Plusieurs sectes religieuses, plus ou moins empreintes de gnosticisme, les Thalimites, les Bataniens, les Sabiens professaient une doctrine analogue et admettaient l'intelligence comme le premier-né de toute créature. La nature des astres, avait dit Aristote, étant une certaine essence éternelle, et ce qui meut étant éternel aussi et antérieur à ce qui est mu, il est évident que tant il y a de planètes, autant il doit y avoir d'essence, éternelle de leur nature, et chacune immobile en soi. L'une est la première, l'autre la seconde, dans un ordre correspondant au mouvement des astres entre eux. Une tradition venue de l'Antiquité la plus reculée, dit-il ailleurs, et transmise à la postérité sous l'enveloppe de la fable, nous apprend que les astres sont des dieux et que la divinité embrasse toute la nature. Tout le reste n'est que mythe. Mais si on en dégage le principe pour le considérer seul, savoir que les premières essences sont des dieux, on pensera que ce sont là des doctrines vraiment divines. Cet aperçu bizarre, qui semble une réminiscence de Pythagore ou de Platon, et qui a surpris tous les commentateurs, au point que plusieurs critiques n'ont pas craint de révoquer en doute l'authenticité du livre où il se trouve, fut le texte primitif de la théorie des intelligences, qui forme un des points les plus caractéristiques de la philosophie des Arabes, et à laquelle leur syncrétisme mêla tant d'éléments étrangers. L'hypothèse mécanique de Newton a si profondément changé les idées sur le système de l'univers, que toutes les conceptions de l'Antiquité, du Moyen Âge, de la Renaissance, de Descartes lui-même sur le monde, nous apparaissent aujourd'hui comme les rêves d'un autre âge. Quelque effort que nous fassions, nous ne renoncerons jamais assez franchement à nos idées modernes pour comprendre, c'est-à-dire pour ne pas trouver absurde, le du ciel et de la terre, le traité du monde d'Alexandre, le De substantia orbis. L'homogénéité de l'univers était alors mal comprise, on ne pouvait supposer qu'un même système s'étendît à toutes les parties du monde, et que la même loi qui détermine ici-bas le mouvement d'un atome présida aux révolutions des corps célestes. Ibn Rushd n'est donc pas responsable de ce que sa théorie du ciel peut avoir pour nous de bizarre et d'inconcevable. Le ciel est à ses yeux un être éternel, incorruptible, tout en acte, simple, sans pesanteur, mu par une âme. En effet, le mouvement circulaire ne peut venir que d'une âme, les corps n'étant susceptibles que du mouvement de haut en bas. Le ciel n'est pas composé de matière et de forme, il n'est dans le lieu que par accident, c'est le plus noble des êtres animés, infini quant à la durée, le mouvement du ciel ne l'est pas quant à la quantité. Si une seule étoile venait s'ajouter au corps étoilé, ce corps s'arrêterait à l'instant, car la mesure de sa force est exactement proportionnée à la masse. Et s'il s'arrêtait un instant, le premier moteur ne pourrait le remettre en mouvement, il se corromprait par le repos, et avec lui tous les êtres dont l'essence est de se mouvoir. Ce n'est donc point par sa nature intime qu'il est incorruptible et éternel, mais par l'action continuée du premier moteur, et le prophète a pu dire avec vérité, tout est corruptible, excepté sa face. Le ciel est donc, aux yeux d'Ibn Rushd, un être vivant, composé de plusieurs orbes représentant les membres essentiels à la vie, et dans lequel le premier moteur représente le cœur d'où la vie rayonne pour les autres membres. Chaque orbe a son intelligence qui est sa forme, comme l'âme rationnelle est la forme de l'homme, ses intelligences, hiérarchiquement subordonnée, constitue la chaîne des moteurs, qui propage le mouvement de la première sphère jusqu'à nous. Le désir est le mobile auquel elles obéissent, recherchant le meilleur, elles se meuvent sans cesse, car le mouvement n'est que l'appétition du meilleur. Leur intellect est toujours en acte et s'exerce sans aucune défaillance en dehors de l'imagination et de la sensibilité. Elles se connaissent elles-mêmes, et ont la connaissance de tout ce qui se passe dans les orbes inférieurs. L'intelligence première a, par conséquent, la connaissance complète de tout ce qui se passe dans l'univers. Ainsi, un aperçu vague, indécis, sans connexion avec le reste de la doctrine péripatétique, est devenu entre les mains des Arabes une théorie des premiers principes de l'univers, bizarre, il faut l'avouer, mais ingénieusement liée dans toutes ses parties et dont nous allons voir sortir, comme une application particulière, toute leur psychologie. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.